18-27, observation, expression de la propriété. Être à, appartenir à, possessif. Le bateau est à Marie-Laure. Le bateau est à elle. C'est le bateau de Marie-Laure. C'est son bateau. Il appartient à Marie-Laure. Il lui appartient. Le bateau est à lui. C'est son bateau. Il lui appartient. Le bateau est à moi. C'est mon bateau. Il m'appartient. Le bateau est à toi. C'est ton bateau. Il t'appartient. Le bateau est à elle. C'est leur bateau. Il leur appartient. Le bateau est à eux. C'est leur bateau. Il leur appartient. Le bateau est à nous. C'est notre bateau. Il nous appartient. Le bateau est à vous. C'est votre bateau. Il vous appartient.